Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Sophie Laforêt vient d'arriver en studio pour venir nous parler de ses nouveautés musicales. J'avais pas ouvert ton micro, Sophie. Ah! T'as pas tes nouveautés, mais tes découvertes aujourd'hui. Ouais, oui, nouveautés, découvertes. Nouveautés, découvertes. Oui, c'est un mélange. C'est un mélange des deux. C'est génial, ça. Et la formation dont on va parler aujourd'hui, c'est une formation, premièrement, qui nous a tous intrigués à la radio, je pense, grâce à la merveilleuse pochette. Ouais, leur pochette qui est difficile à refaire une fois que c'est ouvert. Hein? Ouais, pour essayer de vous le décrire, là, les gens qui nous écoutent, c'est comme une fleur en carton. Ben, c'est pas une fleur, là, mais... En fait, quand c'est ouvert, on dirait que c'est une fleur. Ouais. Quand c'est fermé, on dirait que c'est une étoile de ninja. En tout cas, c'est ça que j'avais ouais, vu, moi. C'est vrai. Puis, donc, c'est ça, c'est super beau. C'est peut-être juste pas très durable, mais non. C'est vraiment beau. Mais ça attire l'œil. De toute façon, c'est un EP, à ce que je vois. Il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Ouais, un mini-album, donc, de cette formation de Montréal qui s'appelle Bravo Funken. Alors, ce n'est pas un groupe allemand, mais bien montréalais. Et le mini-album s'appelle Mille Miroirs. Et moi, ça me fait tout le temps penser à Mille Monarques. Mille Monarques. Non, mais c'est juste que c'est un autre groupe. Ouais, Mille Miroirs, ouais. Mille Monarques. Alors, le mille est un nombre à la mode. Toujours. Dans-ci. Et les quatre pièces qui figurent sur cet album-là sont Les Animaux, Ton cœur est un beatbox, Nicolas 93 et Ta mère va danser. Oh! Rien de moins. Et avant de vous en parler, comme à l'habitude, on va entendre une première pièce et j'ai choisi Nicolas 93. Très bien, donc on va aller entendre ça. C'est la formation, rappelle-moi le nom. Bravo Funken. Ah, comme ça, je m'en fâche pas en me disant, en ayant quelqu'un. Il faudrait que j'engage quelqu'un juste pour dire les choses qu'on passe ici le matin. Ah, écoute, tu m'appelles. Les pièces, ben oui. On s'appelle et on déjeune. Ah, des belles plugs. Donc, on va aller entendre ça sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Vous écoutez la chronique Stérotonine de Sophie Laforêt. Dans le cadre dont s'appelle Léon des Jeunes. On est jeudi, c'est la fin de la semaine, c'est le fun. Sans la fleur, mais dans la On vient d'entendre la formation Bravo Funken avec la pièce Nicolas 93 tirée d'un mini-album qui est paru le 3 février dernier qui s'appelle Mille Miroirs. Mille Miroirs. Mille Miroirs. Mille Miroirs. Mille Miroirs. Même moi. Je vais arrêter ça là. Qui sont Bravo Funken? Ben oui, c'est la question que je me pose depuis que je vois leur disque dans les palmarès. Ben oui, leur belle pochette en forme de fleurs, en origami, de carton. C'est quatre gars et une fille. Je peux même vous nommer leur nom, c'est écrit dans la pochette. Jérôme. Vincent. François. Raphaël. Raphaël. Et ça, c'est la fille, Raphaël? Non. Ah, c'est le gars. Toujours pas. Et Marilyn. Ah, Marilyn, voilà. Ah, si je l'avais nommée plus tôt, tu sais, ça... Ouais, j'aurais allumé. Ouais. Et je sais pas trop comment je pourrais dire ça. J'ai pas envie de faire une grosse bio parce qu'il commence, donc il y a pas tant de choses à dire. C'est plus difficile en ce temps-là. Quand hein? Il commence, mais j'avais juste envie de vous le faire entendre. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression depuis un bout de temps que du côté francophone émergent, avec tu sais quelque chose qui te surprend un petit peu, ça faisait un petit bout là qu'il y avait rien eu de. C'est ça, mais... on suivait un chemin pas trop défini, prédéfini, mais quand même, tu sais, ça se ressemblait. Ouais, exactement. Fait que là, c'est comme un, je sais pas, c'est comme une petite surprise. Là, c'est rafraîchissant. Tu sais, c'est un mélange de plein d'affaires. Des fois, j'écoutais et je me disais, il me semble que la voix, ça ressemble à le Husky, mais avec un son funk. Puis là, je me disais, peut-être un peu Bonjour Brumaire, peut-être un peu Chinatown. Puis après ça, je me suis dit, ça donne rien, tu sais, de dire. Ça ressemble à ça. C'est Bravo Funken. Et voilà. C'est une nouvelle formation. Et donc, c'est super chouette, c'est super bon. C'est funky un peu, musique française, pop. Électro, il y a des guitares électriques. C'est très varié, donc. C'est très varié. Et ça, sur seulement quatre pistes, en plus. Ouais, déjà là, c'est pas beaucoup. Ouais. Puis, c'est pas... en même temps, c'est pas quelque chose de sensationnel. Je pense pas qu'ils vont révolutionner, là. Tu sais, comme je dis, il y a quand même des similitudes, bien qu'ils soient très uniques, ne serait-ce que dans leur nom et dans leur pochette. Hein. mais ça colle bien, tu sais. On aime bien ça. Puis, il y a une belle évolution dans leurs chansons. Les pièces commencent tranquillement, ça évolue, ça change. Oups, là, ça prend une tournure qu'on pensait pas. Puis, j'aime beaucoup le mélange. Ben, en fait, je pense que des fois, c'est un plus quand il y a un gars et une fille qui chantent. Ben oui. Tu sais, dans la pièce, comme ça change. Ben, c'est vrai. Comme justement la nouvelle pièce d'Orange Orange. Laquelle? Le nom m'échappe. Et je pleure? Je suis le héros. Je suis le héros. Ah. La pièce de tout la pièce de tout point TV. Ah. Dans la pub. Ben, écoute donc. Hein? J'en ai manqué une couple. Là. J'écoute pas beaucoup la télévision. Peut-être que ça te passe à la télé, c'était plus. Ouais. Ah, c'est ça. Moi, ça fait à peu près un mois et demi que ça tourne. Ah, ça fait à peu près un an et demi que j'écoute pas la télé. Ah, tu fais bien. Non, mais tu fais bien. Ah, non, mais je l'écoute un peu. Bon, en tout cas, peu importe. On écoute va la revenir, radio. Oui, j'écoute la radio. On va revenir à Bravo Funken. Donc, la pièce qu'on a entendue s'appelait Nicolas 93, une pièce que je trouvais chouette, mais là, on va entendre la pièce qui, selon moi, est la meilleure sur ce mini-album, qui s'appelle, la pièce s'appelle Les Animaux. Très bien. Puis, en terminant, non, hein, on va revenir après. Ah oui, on va revenir. On va terminer après. Donc, on va écouter Les Animaux de Bravo Funken dans le cadre de la chronique Stéréotonine à l'émission On s'appelle et on déjeune. Sur les ondes, c'est fou. 89 FM. Non? Continue plus? OK. C'est beau. Bon matin. Les animaux de Bravo Funken sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur. Yeah. C'était la formation Bravo Funken avec la pièce Les Animaux de leur mini-album Mille Miroirs, nouvelle formation de Montréal qui a fait paraître ce mini-album-là le 3 février dernier et on aime ça. Ah oui, c'est très bon. C'est très bon. Mais tu sais, moi, j'étais interrogé par la pochette. Je m'étais pas donné la peine de l'entendre, ça. Je me tape la main. J'avais pas écouté, mais là, tu vas vraiment me donner le goût et ça va tourner plus souvent. On s'appelle Léon des Jeunes. Oui. Bonne idée. J'approuve. Ben merci. Puis donc, en terminant, ce que je voulais dire tantôt, c'est que vous pouvez télécharger leurs pièces via leur site internet, le bravofunken.com. Comment ça s'écrit, hein, Bravo Funken? Ouais, c'est ça la question. B-R-A-V-O, comme dans Bravo. Mm-hmm. Fun, comme dans Fun, F-U-N. Puis Ken, comme Ken et Barbie, là. K-E-N. Bravo Funken. D'accord. Mais je suis pas sûre que c'est ça que ça veut dire. Ça n'a aucun rapport avec Ken. Non, je pense pas vraiment, non. Non. Donc, c'est ça. Puis un don volontaire. Et soyez généreux, hein. C'est marqué tant qu'à donner une somme dérisoire, aussi bien ne pas donner, car tout l'argent ira à PayPal. Donc, si vous décidez d'acheter leur pièce, moi, contribution suggérée, je me dis, sur iTunes, c'est $1, donc. Ouais. Par exemple. Pour l'album, $1, par, OK, non, par mais pièce. Ouais, donc ouais. Ça fait $4. $4, c'est pas si pire. Pas cher. Hein? Non, c'est bien. C'est bien. L'idée de contribution volontaire, c'est pas mauvais comme idée, d'ailleurs. Ouais, c'est. Mieux donner pour mieux vendre. Ouais. Il y avait un slogan comme ça là, sur leur MySpace. Mais il y a des groupes aussi qui donnent leur album carrément. Entre autres, Mystère Valère, Grosse Distorsion, qui donnent leur album directement sur Internet. Mais les contributions volontaires aussi, c'est bien. Je veux dire, tu peux mettre aussi une petite icône PayPal en quelque part sur ton site et les gens vont aller donner de l'argent, peu importe. Ça leur tente. S'ils prennent l'album ou s'ils trouvent l'album bon, ben, si c'est un millionnaire, il peut te donner $1,000. Ben oui, s'il y a le goût, pour 4 pièces, ça fait 250 pièces la toune. Ben oui, mais s'il aime ça, ben oui. Ça peut être plaisant. Ben oui, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Laforêt. Ça me fait plaisir. Passez une belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, en quelque part dans la semaine. En quelque part dans la semaine. La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle et on déjeune les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbé et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle et on déjeune du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM.